cette da'wa est donc un dépôt posé sur les épaules de chaque salafi, chacun selon sa capacité à la porter et à endurer dans sa transmission. Et cette affaire n'est pas des plus légères, bien au contraire, elle est lourde, très lourde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons te révéler des paroles lourdes. Ainsi, le dépôt de la transmission de la révélation est lourd et imposant, et nul n'en connaît véritablement la lourdeur, excepté ceux qui l'ont étudiée et comprise. Il nous est ainsi obligatoire de prendre soin de cette da'wa. Il nous est obligatoire d'appeler à elle, et il nous est obligatoire de la prévaloir sur notre propre personne, ainsi que sur nos familles et nos proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Nul ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas auprès de lui plus aimé que son père, son fils et tous les gens ?» Et dans le récit de Abdullah ibn Hisham radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari, qui a dit « Nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Ce dernier dit au prophète « Ô messager d'Allah, tu es la personne que j'aime le plus, excepté face à ma propre personne. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, non, par celui qui détient mon âme entre ses mains, tu ne seras pas véritablement croyant, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui dit ainsi, à présent, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, maintenant, ô Omar. Il en est ainsi. Et si nous secourons cette da'wa si chère à nos yeux, Allah nous secourra. Mais si nous la délaissons, Allah nous délaissera. Allah Azza wa Jalla a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum » Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et il a aussi dit, subhanahu wa ta'ala, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Si Allah vous fait triompher, nul ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, qui donc après lui vous secourra? Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Car il faut que cette da'wa ait des gens qui la portent, des gens qui l'appellent à elle et qui la défendent. Et les prophètes, alayhi mussalat wa salam, eux-mêmes ont demandé le soutien des gens pour la cause de la religion. Et Isa alayhi salam a certes dit « Man ansari ilallah » Qui d'entre vous veut me soutenir pour la cause d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire « Y a-t-il un homme qui veuille bien me soutenir afin que je transmette la parole d'Allah? Car les gens de Quraysh m'empêchent de transmettre la parole d'Allah. » Car cette da'wa a des ennemis parmi les mécréants, les polythéistes et les hypocrites. Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble livre « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ » C'est ainsi que nous avons établi à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et il a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit de Aïcha radiallahu anha, que lorsque Waraqat ibn Nawfal radiallahu anhu entendit le message avec lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint, il lui dit « Si seulement ma vivacité et ma jeunesse me revenaient, je te secourrais alors d'un grand secours. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Mon peuple me chassera-t-il » Waraqat ibn Nawfal répondit « Personne n'est venu avec le message avec lequel tu es venu sans qu'il ait été pris pour ennemi. » Donc il est important que le salafi sache qu'il sera éprouvé et aura à faire face à l'animosité de certaines personnes. Et il arrive parfois que ceux qui s'opposent aux gens qui portent ce dépôt et le transmettent aux gens fassent partie de la communauté. Pire encore, qu'ils soient leur plus fervent adversaire. Et c'est le cas pour la secte des frères musulmans, Al-Ikhwan Muslimoun. En effet, cette organisation qui a été fondée il y a plusieurs dizaines d'années déjà, n'en finit pas de combattre les gens de la Sunna. Et ceci pour plusieurs raisons. Parmi les plus importantes d'entre elles, il y a que ces égarés considèrent que le rassemblement autour du tawhid et de la sunna, sur lequel est basé les principes de la da'wa salafiyya, divise les musulmans. Comme l'a lui-même dit Hassan al-Banna, le fondateur de la secte des Ikhwan, lorsque celui-ci rencontra il y a bien longtemps le Cheikh Hamid al-Faqih, le fondateur du groupe Ansar al-Sunna, et qui lui a dit « Nous voulons que nous nous entraidions ». Au Cheikh Hamid. Le Cheikh Hamid dit alors, je veux bien que l'on s'entraide, mais que cela se fasse autour du tawhid et de la sunna. Hassan al-Banna lui répliqua alors, le tawhid nous divise. Parfaitement, mes chers frères, ces Hizbiyoun considèrent la Da'wa Salafiyya avec tout ce qu'elle comporte comme base et règles établies dans notre religion d'après les preuves tirées du Coran et de la Sunna concernant l'alliance et le désaveu, al-wara wal-bara, comme étant la cause de la discorde et de la mésentente au sein de la communauté. Et c'est pour cette raison que ces égarés tentent, tant bien que mal, d'infiltrer furtivement les rangs salafis afin de les diviser et de les affaiblir, espérant ainsi pouvoir un jour enterrer cette dame authentique qui leur pose tant de problèmes et qui les empêche de progresser. Ces gens nous guettent donc de toutes parts, ainsi que notre da'wa, en cherchant la moindre faille ou le moindre prétexte qu'ils pourraient utiliser pour nous descendre. Mais ils ne nous causeront que d'insignifiantes nuisances, bi'idhnillah, et ils ne se feront en réalité du tort qu'à leur propre personne, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à ce sujet dans le hadith concernant le groupe sauvé et glorieux. Il ne cessera d'exister un groupe de ma communauté qui seront sur la vérité, et ceci jusqu'à la fin des temps. Ceux qui se seront opposés à eux ne leur feront aucun tort, ni ceux qui les auront délaissés, et dans une autre version, ni ceux qui les auront démentis. Néanmoins, il est nécessaire aux salafis qu'ils se rassemblent et qu'ils unissent leurs forces afin de soutenir cette da'wa et de se prémunir contre le mal de ses opposants. Et ceci réclame de notre part deux choses essentielles qu'Allah a clairement situées dans sa parole. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des imams qui guident les gens par notre commandement lorsqu'ils patientèrent et croyaient fermement à nos versets. Ainsi, ces deux éléments indispensables sont la science et la patience. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a certes dit: c'est par la patience et la certitude que Satan le rend imam dans la religion. Donc la première de ces choses consiste à avoir la certitude que cette da'wa est bien celle de la vérité, que cette méthodologie est bien celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dont il est fait référence dans la sourate Al-Fatiha: Ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas celui qui ont encouru ta colère ni des égarés. Et également dans le récit d'Abu Darda radiallahu anhu, rapporté par Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé sur la voie blanche, claire, de jour comme de nuit, ne s'en écartera que celui qui aura couru à sa perte. Cela demande donc de nous que l'on connaisse les arguments scientifiques, al-adil, tirés du Coran et de la Sunna, qui prouvent que ce manhaj est bien celui établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ridwanullahi alayhim. Et Allah azza wa jalla a certes ordonné ses serviteurs d'apprendre leur religion. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Et aussi dans le récit de Utban radiallahu anhu, rapporté par Muslim, dans son recueil de récits authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque meurt en ayant su qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah entrera au paradis. D'où l'importance d'apprendre sa religion, d'être assidu dans son apprentissage et dans sa compréhension, même s'il faudrait pour cela voyager vers de lointaines contrées dans le but de l'acquérir, comme cela a été rapporté par Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte un chemin dans la recherche de la science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. La deuxième de ces deux composantes importantes qui permettront aux gens de la Sunna de faire face aux troubles et d'établir fermement leur da'wa est la patience. Car le da'i ilallah sera fatalement éprouvé à l'image des prophètes et des messagers alayhimus salat wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يجمع ijma'u baynana wa ilayhi al-masir. Donc appelle les gens à la vérité et maintiens-toi fermement dans la droiture comme il t'a été ordonné et ne suis pas leur passion, mais dis plutôt je crois en ce qu'Allah a fait descendre comme livre et il m'a été ordonné d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur, à nous nos œuvres et à vous les vôtres. Il n'y a visiblement aucun argument qui ne peut trancher entre nous, mais Allah nous regroupera certainement tous et c'est vers lui qu'est le retour. Il n'y a donc personne qui ne vienne avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il soit pris pour ennemi, quand bien même cette animosité proviendrait de sa propre famille et ses proches. Des gens se rassembleront à coup sûr autour de son adversité. Allah azza wa jalla a dit wa laqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Et des messagers avant toi ont certainement été traités de menteurs, toi Muhammad. Ils patientèrent alors sur le fait qu'ils aient été démentis et sur le fait qu'ils aient été persécutés jusqu'à ce que nous les secourions. Dès lors, si nous patientons, notre da'wa triomphera. Et si nous endurons et nous maintenons, nous réussirons certainement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sadiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, soyez endurants et incitez-vous à l'endurance et luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et nul salafi n'est censé ignorer les fâcheux événements qui continue encore aujourd'hui à affecter les rangs des gens fermement attachés à la sunna, et plus particulièrement ceux de la da'wa salafia du Yémen. En effet, il continue à se propager injustement des choses à l'encontre du Cheikh Yahya al-Hajjouri et hafidhahullah ta'ala, le digne héritier du Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dans la direction du centre d'études islamiques Darul Hadith de Dammaj, qui embrouille et divise les frères et qui les font fuir de ce merkez béni. Mais ce que certaines personnes, y compris parmi les gens de science, n'ont toujours pas compris est que toutes ces injustes critiques et mises en garde ne sont ni à leur avantage ni à celui de la da'wa salafia dans le monde. Parfaitement, nous disons cela car le centre Dar al-Hadith bid-Dammaj est à l'heure actuelle un des très rares endroits où on y enseigne les préceptes authentiques de l'islam basés sur le Coran et la Sunna, selon la juste compréhension des pieux prédécesseurs. Cet établissement est de ce fait en ligne de mire directe des ennemis de l'islam. Iwallah, cette demeure bénie est la cible de beaucoup de gens parmi les mécréants, les polythéistes, les hypocrites et aussi les hizbiyouns, à commencer par Jama'at al-Ikhwan, la secte des frères musulmans, qui rêverait de voir un jour ce merkez et cette da'wa s'écrouler et disparaître. Donc mes chers frères en islam, encore une fois, nous vous conseillons de ne pas porter attention à toute cette agitation autour de l'affaire Abdurrahman al-Adani, hadahullah, plus qu'elle ne mérite. Les faits, les arguments concernant la hizbiya de ce dernier ayant été exposés clairement depuis bien longtemps déjà par le biais des différents conseils et répliques qui ont été propagés concernant la fuite de cet homme. Nous vous exhortons également à ne pas vaciller et trembler face aux critiques dont le Cheikh Yahya et le Merkez Dar al-Hadith de Dammaj continuent de faire l'objet, sous prétexte qu'elles proviennent de tel ou tel savant reconnu. Car les savants restent des hommes qui ne jugent que selon ce qui leur parvient comme information et ce qu'ils connaissent de leurs rapporteurs en matière de véracité et de confiance, conformément à la législation religieuse. Mais il se peut malgré cela que leur jugement contredise la vérité. En effet, il est possible, malgré l'application de ce que préconisent les lois islamiques lors de divergences entre les gens, que le jugement final contredise la vérité. Comme cela est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans l'histoire de Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, qui a dit, alors que nous étions en Ghazwa, j'entendis Abdullah ibn Ubay, l'hypocrite, dire, ne donnez pas l'aumône à ceux qui sont avec le messager d'Allah jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de lui. Et lorsque nous rentrerons à Médine, le plus fort d'entre nous en expulsera le plus faible. J'ai ainsi informé mon oncle de cela, qui en informa à son tour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui me convoqua. Je l'ai alors informé de ce que j'avais entendu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya ensuite chercher Abdullah ibn Ubay et ses compagnons. Ces derniers jurèrent qu'ils n'avaient jamais rien dit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me démentit alors et le crut lui. Puis Allah révéla la sourate Al-Munafiqun. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya alors quelqu'un me chercher. Puis il me dit, Allah t'a donné raison, ô Zayd. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait donc jugé selon ce qui lui était apparu dans cette affaire, alors que la vérité était avec Zayd, radiallahu anhu. Donc il se peut qu'un savant soit dupé par une personne mal intentionnée de par son éloquence ou son faux semblant ou de par ses informations fausses ou modifiées ou bien encore rapportées hors contexte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cet effet dans son noble livre: wa min al-nas man yu'jibuka qawluhu fi al-hayat ad-dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa alad al-khisam. Il y a parmi les gens certains d'entre eux dont la parole dans cette vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans son cœur, alors qu'en réalité il est un des plus acharnés disputeurs. Et il a également dit Azza wa Jalla: wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Et lorsque tu les vois, tu es impressionné par leur corpulence, et s'ils parlent, tu les écoutes. Et cela n'est en aucun cas une critique ou un reproche fait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais simplement une révélation informant qu'il est possible qu'une personne, même de droiture, soit trompée par des gens aux intentions mauvaises. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit d'Umm Salama radiallahu anha, rapporté dans les deux recueils de récits authentiques: je ne suis qu'un être humain, il me vient des gens qui s'opposent dans des affaires. Et il se peut que certains d'entre vous s'expriment mieux que d'autres. Alors je pense qu'il dit la vérité et je juge de par cela en sa faveur. Il incombe donc à tous salafis d'avoir la ferme conviction que nos savants, hafidhumullahu ta'ala, restent des êtres humains qui peuvent avoir tort ou raison et que leur jugement peut contredire la vérité. Et cela ne diminue en rien de leur science ni de leur valeur et leur mérite tant que ces derniers restent sincères dans leur démarche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: quand le juge s'efforce de trouver la vérité dans une affaire et qu'il ajuste, il a deux récompenses. Mais s'il se trompe, il est néanmoins gratifié d'une récompense. Et cela fait aussi partie de la croyance de nos prédécesseurs, comme le prouve la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Il n'y a aucune personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on ne prenne sa parole ou qu'on ne la rejette, hormis la sienne sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui a dit: je ne suis qu'un homme, je peux me tromper tout comme je peux avoir raison, donc vérifiez ce que je dis. Tout ce qui est en conformité avec le livre et la sunna, prenez-le, et tout ce qui est en contradiction avec le livre et la sunna, délaissez-le. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, pareillement à tout cela, a dit: si vous trouvez dans mon livre ce qui est contraire à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et délaissez ce que j'ai dit. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a également dit: ne m'imitez pas ni Malik ni Shafi'i ni Al-Awza'i ni Thawri, mais prenez plutôt d'où ces derniers ont pris. Et pour finir, la parole de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, qui a dit: si j'ai dit une parole qui contredit le livre d'Allah et ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors délaissez ma parole. Donc nous demandons à Allah azza wa jalla qu'il détourne la ruse des ennemis de cette bonne et bénie da'wa et de préserver nos savants de tout mal et de leur accorder le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et plus spécialement le Cheikh Yahya al-Hajuri hafidhahullah ta'ala et notre père le Cheikh Rabi' al-Madkhali waffaqahullah li kulli khair, et aussi qu'il unisse la parole des gens du tawhid et de la sunna et qu'il purifie et resserre leur rang. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.